utile et courant de la numérotation, les définitions des mots fléchés, le latin en français compte pas moins de 80% de termes qui en découlent. Comme vous pouvez le constater, en ouvrant à n'importe quelle page, un petit Larousse illustré par exemple. Et cela, par le biais des préfixes et des suffixes, mais plus encore, à cause des si nombreux mots latins eux-mêmes. Ces mots latins ont certes évolué constamment au cours des siècles, et de manière diverse, selon par qui ils étaient prononcés dans chacune des régions occupées par les Romains. Ainsi, dans la langue populaire, le latin « aquarium » a mis des siècles pour aboutir au XIIIe siècle en français à « évier ». Mais la langue savante a conservé « aquarium ». Si bien que, selon que le mot résulte de l'évolution phonétique populaire ou qu'il est un calque savant du latin, nous disposons de quantités de doublés « frêle » et « fragile », « grêle » et « gracile », « loyal » et « légal » par exemple, bien pratique pour les nuances de sens. De ce fait, pourquoi se priver d'un aussi précieux auxiliaire étymologique et orthographique? Quand on sait par exemple que « temps » vient du latin « tempus temporis », plus de problème pour l'écrire correctement, lui et ses nombreux compagnons ou dérivés, longtemps, contre-temps, passe-temps, contemporain, intemporel, etc. Et, dans ces pages roses, ce même Larousse nous donne près de 500 citations courantes, dont 90% sont en latin. Carpe diem, vox populi, vox dei, alea jacta est. Toujours iconoclaste, Pierre Desproges en 1985, dans son dictionnaire superflu à l'usage de l'élite et des bien nantis, s'est amusé à détourner certaines de ses locutions latines des pages roses. Ainsi, ad vitam aeternam est devenu ad vitam aeternam. Et Brassens, dans Les Copains d'abord, avait remis à l'honneur la devise latine de notre capitale, fluctuat nec mergitur. N'oublions pas enfin quantité de mots expressions directement empruntés au latin. Agenda, post-scriptum, nec plus ultra, opere citato, ex nihilo, etc. Et la liste de ces emprunts directs au latin s'allongerait encore si vous y ajoutez les noms propres, tels les noms des divinités romaines donnés aux planètes, Vénus, Mars et autres Jupiter, ou encore les noms d'étoiles, Sirius, Canis Major et bien d'autres. Pour conclure et abréger, comme d'habitude une liste, l'omniprésent, etc., s'impose encore une fois et s'écrit non pas E-C-T, mais E-T-C. Ces trois lettres, en effet, sont le début de l'expression latine, etc., qui signifie « et tout le reste ».